Le gardien du feu, écrit par Anatole Lebras, lu par Armen pour audiocité.net. À Lucien Herr, en mémoire des jours de Plogoff, Anatole Lebras. Voici le dossier de cette étrange affaire, me dit l'ingénieur. Il étala devant moi, sur la table du bureau où nous étions assis, une chemise verte contenant divers papiers et portant, en grosses lettres rondes, cette suscription. Phare de Gorlébella, 1876. Vous connaissez le phare, n'est-ce pas? Je l'avais visité l'année précédente, au cours d'une excursion à l'île de Sein, et je n'avais pas à faire grand effort pour revoir, par le souvenir, sa haute silhouette de pierre dressée en plein ras, dans une solitude éternelle, au milieu d'une mer farouche, agitée d'incessants remous, et dont les sourires même, les jours de calme, ont quelque chose d'énigmatique et d'inquiétant. L'ingénieur poursuivit. Il vous suffira, quant au reste, de savoir ceci. En 1876, tout comme à présent, le personnel de Gorlébella se composait de 3 hommes. Mais de ces 3 hommes, il n'y en avait que 2 qui fussent de service en même temps. Le règlement porte, en effet, que chaque gardien, après avoir demeuré 1 mois au phare, a droit à un congé de 15 jours. Tous les seconds samedis, à moins que l'état de la mer n'y mette obstacle, le bateau ravitailleur accoste au récif, débarque les provisions et prend à son bord, pour le ramener à terre, l'exilé dont c'est le tour d'être rapatrié. Au sommet de la pointe du Raz s'élève, ou plutôt se tapit, si vous vous souvenez, une sorte de hameau administratif, formé des bâtiments désaffectés de l'ancien phare. C'est un groupe de maisonnettes basses, raccordées bout à bout, et ceintes d'un vaste enclos où dans l'abri des murs poussent chétivement quelques légumes. Alentour s'étend le sinistre paysage que vous savez. Un dos de promontoire nu et comme rongé de lèpre, troué çà et là par des roches coupantes, de monstrueuses vertèbres de granit. Nulle autre végétation que des brousses à ras de sol, des ajoncs rampants, une herbe éphémère, tout de suite brûlée par les acides marins. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué l'air de stupeur muette et résignée qu'ont toutes choses en ces parages, les plantes comme les bêtes, et les habitations aussi bien que les gens. Voilà pourtant l'oasis de bon repos après laquelle aspirent de tous leurs vœux les factionnaires de Gorlébella. Du moins, ne s'y sentent-ils plus les emmurés des eaux? Si peu récréatifs que soient ces horizons, encore délassent-ils leurs yeux de la perpétuelle et obsédante agitation des vagues. Et puis, ils ont là leur chez eux, ils y retrouvent la femme, les enfants, la figure chère des êtres et des objets familiers, rentrent enfin dans la vie normale, savourent la joie, irraisonnée mais profonde, d'appartenir de nouveau à la grande communauté humaine. J'ai dit. Maintenant, feuilletez. La première pièce était un télégramme sur papier jaune adressé par le conducteur des ponts et chaussées d'Audierne à l'ingénieur ordinaire chargé du service des phares, en résidence à Quimper. Elle était datée du 2 mai et conçue en ces termes. Feu de Gorlébella, resté allumé toute la journée d'hier, éteint cette nuit. Rumeurs bizarres circulent. Prière donnée instruction, si vous ne pouvez venir vous-même. Suivait une lettre de l'ingénieur ordinaire à l'ingénieur en chef. J'ai l'honneur de vous transmettre les pages ci-jointes trouvées sur le banc de car dans la chambre de la lanterne. Gulvendenes, avant de disparaître, a pris soin d'y consigner tout le détail des événements. Nous n'avons pas encore pu pénétrer dans la pièce où sont enfermés les deux cadavres. Il faudra sans doute briser la porte à coups de hache. À bientôt un rapport qui vous fournira les renseignements complémentaires. Je sautai vite à la liasse de vieux papiers qui accompagnait cette note. Ce n'était, à première vue, que de banals imprimés, des tableaux divisés en colonnes, avec des rubriques sans intérêt et des chiffres indiquant soit le nombre des heures de veille durant le mois, soit la quantité d'huile consommée pour l'éclairage. Mais au verso des feuilles s'étageaient les sillons réguliers d'une solide écriture paysanne. Une âme sombre et douloureuse y comptait, en manière d'observation sur les circonstances du service, le drame peut-être le plus atroce dont les tragiques annales du rat aient conservé le souvenir. Je laisse la parole à Gulvendenes, chef gardien, ainsi qu'il se qualifie lui-même, du phare de Gorlebella. La musique est de Claude Debussy. Il s'agit de La Mer, enregistré par l'US Air Force Band sous licence Musopen.